Après nous avoir brillamment fait comprendre pourquoi il est nécessaire de simuler dans bien des situations, David, l'ourero, hein, Paxil, suivez un peu s'il vous plaît, revient pour nous expliquer comment bien simuler. Discrétisation, équation, implémentation, algorithme. Ne vous inquiétez pas, ces mots n'ont rien de sale et bientôt ils n'auront plus aucun secret pour vous. Nous sommes le 12 mars 2014 et vous êtes dans Podcast Science, épisode 166. Bienvenue. Alors, au sommaire de l'émission de ce soir, un dossier de David, un retour sur des plugs un peu plus rapides, mais on a quand même quelques plugs cette semaine. Et histoire de faire les choses dans le désordre jusqu'au bout, je vais maintenant présenter qui est autour de notre table virtuelle. Donc on a Robin à Paris, bonjour Robin. Salut. Nous avons David qui est à Lyon, bonjour David. Bonjour. On a Julie qui est dans les coulisses, on a Alan qui est pas très loin de là, et vous avez moi-même qui est à Paris. Bon, et ben sur ce, je propose qu'on passe donc au dossier de David, qui fait suite à un premier dossier que nous avait fait David sur la simulation. Alors pour commencer, ouais, je vais juste peut-être faire un petit retour pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois. On avait abordé différents aspects, on avait parlé des modèles, histoire d'expliquer qu'ils sont une simplification de la réalité. L'idée étant que ça permet de simplifier la réalité et garder les éléments les plus importants pour l'étude théorique et pour la simulation. Un bon exemple avait été donné par Robin avec le graphe pour le chemin permettant de passer sur les ponts de la ville de Königsberg. On avait ensuite parlé du fait que la simulation numérique elle permet une grande reproductibilité pour des phénomènes complexes, phénomènes qu'on testerait par ailleurs via des maquettes, comme pour les avions ou les voitures, ou qu'on est incapable d'expérimenter, comme ce qui est la prévision du temps ou la cosmologie, par exemple. Et puis, on avait aussi présenté l'apport de la simulation numérique avec notamment des méthodes de Monte Carlo pour la première simulation réalisée par l'équipe de John von Neumann. Puis, j'avais fini sur quelques digressions concernant l'intérêt d'une bonne source de nombres aléatoires, notamment pour la simulation qu'il avait fait avec Monte Carlo. J'avais aussi mentionné le fait qu'un pas nécessaire pour réaliser des simulations, c'était celui de la discrétisation des domaines d'études et des équations. Et en fait, c'est un point nécessaire parce que quand il s'agit d'utiliser des ordinateurs, on a besoin d'avoir quelque chose de discret et pas de continu. Par exemple, on va discrétiser des équations comme celle de la chaleur quand on cherche à savoir comment la chaleur se transmet dans un chauffage ou l'équation de l'élasticité quand on veut savoir comment un pont se comporte. David, je peux t'arrêter? Tu oui. Dis un gros mot quand tu parles de discrétiser. Concrètement, ça veut dire quoi? Transformer un truc continu en point, c'est ça? C'est découper en un nombre fini d'éléments. Par exemple, un domaine carré de 1 par 1. L'idée, ça va être de le découper en plein de petits sous-carrés qu'on va considérer comme une unité chacun. Et donc, on aura, par exemple, si c'est 5 par 5, 25 points, entre guillemets, plutôt qu'avoir une surface équivalente. Et même pour compléter ce que vient de dire David, ça, c'est même plus pervers que ça, c'est-à-dire que c'est tout qui doit être discrétisé parce que ces pauvres machines comptent en binaire, savent uniquement faire un nombre fini d'opérations, un nombre discret d'opérations, alors qu'on traite des choses qui sont continues. Du coup, c'est même les nombres qu'on doit aussi discrétiser, quantifier, représenter avec des valeurs finies. Donc il y a tout un travail pour passer du monde du mathématicien où tout est continu, tout est beau, à un monde de l'informaticien où on a un nombre d'étapes discrets, où on a des chiffres qui sont quantifiés, etc. Je me permets juste d'intervenir pour les non-matheux de la salle, puisque on part du continu pour le modèle mathématique, effectivement, déjà. Le monde, savoir s'il est continu ou discret. En gros, pour les gens qui ne connaissent pas la différence, parce que ce n'est pas si évident que ça, quoi. Mais continu intuitivement, c'est on peut toujours couper un petit morceau toujours plus fin, et discret, c'est des petits grains. Et savoir si le monde vaut mieux le représenter en continu ou en discret, c'est déjà une question. Mais en tout cas, c'est clair que mathématiquement, généralement, on a des descriptions des choses en continu, genre l'air, l'eau, tout ça, ça va être des choses continues, ou une image. Et un ordinateur, il peut travailler qu'avec des petits points, quoi. Donc l'image, en vrai, elle est continue, mais l'image sur mon écran d'ordinateur, qui est tout pixelisé, elle est discrète, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ok, merveilleux. Et ça, c'est un parfait exemple ce que tu as choisi, Alan. Non seulement il y a des points, donc ça, c'était le premier discret que disait David, mais en plus, les couleurs sont représentées par une valeur entre 0 et 255. Alors que l'intensité lumineuse qui arrive, on ne va pas dire qu'elle est continue parce qu'on se lancerait dans des choses folles, mais en tout cas, il y a plus de valeurs possibles que de 0 à 255. Mm-hmm. Ok, très clair. Désolé de l'interruption, tu peux continuer, David. Donc justement, c'est bien d'avoir un peu parlé de la discrétisation, parce que un des points importants, c'est qu'il va falloir informatiser ces modèles, et la discrétisation va servir à ça. Et on va voir dans cet épisode un peu les problèmes auxquels on peut faire face. Est-ce que l'informatique a développé comme solution pour aider au traitement de ces problèmes mathématiques, autant au niveau logiciel que matériel ? Parce qu'il y a eu une évolution de l'informatique sur la partie hardware, entre guillemets, en parallèle de la partie logicielle. Alors juste pour faire un petit retour sur pourquoi on simule sur ordinateur, il faut bien comprendre un point important, c'est qu'on fait de la simulation parce que les problèmes qu'on souhaite résoudre sont trop complexes pour qu'ils puissent être faits à la main par le calcul, on va dire, de manière analytique. Les équations qu'on enseigne au lycée ou dans les classes supérieures sont en fait celles pour lesquelles on peut dire quelque chose, parce qu'elles sont simples, elles ont des comportements classiques, linéaires, attendus. Dans la vraie vie, les modèles qu'on doit utiliser pour être réaliste, ils sont très très loin de ce qu'on voit à l'école. Bien au contraire, ces équations simples, comme je disais, ne sont que des cas très particuliers qui aident plutôt à comprendre les mécanismes qui peuvent être en jeu. C'est un peu ce qu'expliquait Robin dans un des dossiers qu'il avait fait. Sur la plupart des coups à propos desquels on ne sait quasiment rien dire, et bien finalement là, il y a énormément de phénomènes physiques pour lesquels les équations sont tellement complexes qu'on n'est pas capable de pouvoir dire grand-chose ou tout du moins trouver des solutions. C'est pour ça qu'on dit la plupart du temps qu'on n'en connaît pas des solutions exactes. C'est pour ça que j'entendais le mot analytique, donc trouver par l'analyse, comme on peut le faire par exemple pour les équations du second degré, comme on l'a appris au lycée. Il existe tout un tas de méthodes de discrétisation, et pour bien expliquer le principe de fonctionnement, on va aborder l'une des plus répandues, ou tout du moins l'une de celles qui s'explique le mieux, qui s'appelle la méthode des différences finies. Alors là, on va surtout parler de la discrétisation des équations, ce qu'on appelle des équations différentielles. On ne va pas du tout parler de tout ce qu'on peut imaginer dans la simulation, c'est extrêmement large. On va se concentrer sur ce qu'on appelle des équations différentielles. Donc, par exemple, je parlais de l'équation de la chaleur, c'est une équation différentielle parce que la température va dépendre de la position à laquelle on est dans un barreau qu'on chauffe ou l'équation de l'élasticité linéaire ou la propagation d'ondes, par exemple, qui sont des équations différentielles. Il faut bien comprendre que ces méthodes, elles permettent pas de tout traiter. Ces méthodes de discrétisation, c'est comme pour les modèles, elles sont valables et valides dans certains cadres. Quand les équations sont trop chaotiques, on a des phénomènes de seuil critique, par exemple. Donc le seuil critique, typiquement, c'est quand en dessous d'une certaine valeur, il n'y a rien qui se passe, et au-dessus de cette valeur, on voit apparaître quelque chose. Typiquement, quand une casserole d'eau chauffe. Donc typiquement, on a un seuil critique au moment où on a un changement de phase. Donc quand vous chauffez de l'eau à 100 degrés, l'eau se met à bouillir, et on n'a pas un changement de phase complet de toute l'eau d'un coup. On a un seuil à partir duquel la température n'évolue plus cours du temps. Et une fois que toute l'eau liquide est transformée en phase gazeuse, on peut avoir une température de la vapeur qui peut augmenter. Donc ça, c'était pour expliquer un peu ce qu'on appelle par seuil critique. Et donc on a d'autres phénomènes de ce type, la saturation par exemple. Donc au-dessus d'un seuil, en fait, un comportement observé ne change pas, comme dans l'électronique ou les systèmes, en fait, ils ont des domaines de fonctionnement. Ou sinon, il y a les phénomènes d'hystérésis aussi. Donc en fait, ce qu'on entend par là, c'est par exemple quand vous tirez très fort sur un élastique et qu'il ne reprend pas, une fois que vous l'avez relâché, directement sa longueur originale. Ça, c'est parce qu'il y a eu des déperditions d'énergie sous forme de chaleur, par exemple. Donc, ce qu'on entend par là, c'est qu'en fait, on va avoir des phénomènes dans lesquels, pour une entrée, on n'a pas les mêmes sorties. Parce que dans un cas, on va être en accélération ou en décélération. Donc ça, c'est des phénomènes qui sont dans ce qu'on appelle les phénomènes non linéaires. C'est-à-dire que on n'a pas, si on rajoute deux fois plus d'entrées, on n'a pas deux fois plus de sorties. Et ces phénomènes non linéaires sont très grand pan de ce qu'on appelle le chaos. Et donc, un domaine pour lequel les discrétisations vont pas forcément répondre aux besoins. Et en fait, la plupart des problèmes aujourd'hui sont très hautement non linéaires. C'est pour ça que la plupart du temps, le travail des gens qui vont faire la modélisation va être de linéariser ces équations complexes de différentes manières, en enlevant les termes qui ne sont pas représentatifs. On va négliger par exemple les frottements de l'air quand on modélise un pendule, ou en prenant des approximations pour des cas plus simples. Pour les ponts, par exemple, on va considérer ce qu'on appelle des petites déformations. Donc le fait qu'on fasse cette hypothèse va éviter d'intégrer des termes qui vont être non linéaires et qui vont éviter qu'on puisse résoudre ces équations. Ok. Donc il y a un très grand nombre de phénomènes. J'en ai cité quelques-uns qui sont non linéaires. Par exemple, quand on chauffe de l'eau, il y a des phénomènes de convection qu'on connaît tous. Et ben, en fait, à partir d'une certaine température, on a des vibrations qui apparaissent dans les rouleaux de convection. Lorsqu'on remue du sable, par exemple avec un bâton, vous essayerez cet été à la plage, en fait, il y a une résistance au déplacement. Et en fait, plus on va tourner le bâton vite, plus cette résistance va augmenter. Et ça, typiquement, c'est un phénomène non linéaire. Et donc, c'est très compliqué à modéliser. Bon, il y aurait plein de choses à dire hein, sur le chaos, mais je laisse Robin faire un prochain podcast sur la question. Un bon livre, si vous y intéressez, c'est celui de James Gleick, où finalement, il raconte sous forme un peu d'histoire romancée, on va dire, la vie de la théorie du chaos de ces 50-60 dernières années. Ok, mais je crois que le dossier de Robin est enfin prévu. Hein. Je ne sais plus la date, mais c'est dans l'air. Il va nous parler du chaos bientôt. Si je dis pas de bêtises, ça doit être dans 2 semaines ou quelque chose comme ça. Ouais, ça va, on arrête de mettre la pression, s'il vous plaît. Donc finalement, le travail qu'on fait, quand on part de zéro, c'est le suivant. On définit les équations du modèle qui représente le phénomène que l'on souhaite étudier avec ses conditions limites. Donc ce qui se passe au bord du pont ou finalement un peu quand on fait évoluer un phénomène dans le temps, les conditions initiales. On transforme ce problème en quelque chose de résolvable par un ordinateur. On s'assure que la méthode de discrétisation est capable de fournir une solution unique, parce que sinon la modélisation et la résolution ne vont pas servir à grand-chose. Et on choisit et exécute un algorithme qui est capable de résoudre ce problème une fois informatisé. Donc comme j'ai dit dans un premier temps, il faut qu'on définisse notre domaine. Donc, on a déjà parlé de ce qu'est un modèle. Et donc il faut qu'on explique sur quel domaine va s'appliquer ce modèle. On peut voir en physique par exemple que les théories de la relativité générale et celles de la mécanique quantique n'ont pas les mêmes domaines d'application. Et on va aussi donner les conditions limites. Donc sur les bords du domaine ou les conditions initiales. Une poutre fixée à un mur, par exemple, on va étudier sa déformation et on va dire que la condition au niveau du mur, elle ne se déforme pas, donc ça veut dire qu'elle est fixée au mur. Si on veut étudier la température de l'eau, par exemple, quand on chaufferait un tube en cuivre, comme dans une chaudière, à l'entrée du tube, on va avoir une certaine température, une certaine vitesse du fluide, et puis on va chauffer, par exemple, le tube sur les côtés. Le fait qu'il y ait un flux d'eau qui va rentrer dans le tube, la température, chaque bord du tube vont définir ces fameuses conditions limites. On a grosso modo 2 grands types de conditions, comme j'ai dit, les conditions limites en temps. Donc on prend par exemple la prévision du temps. Pour la prévision du temps, on prend les conditions de température et de pression à un instant T. Et puis à partir de cet instant-là, on fait évoluer le modèle pour pouvoir faire des prédictions. Ou sinon, on a les conditions limites en espace. Donc il y en a 2. Il y a les conditions limites dites de Dirichlet. Donc c'est des conditions où en fait c'est la valeur de la variable que l'on fixe au bord. Par exemple, on souhaite savoir la répartition de la chaleur dans un barreau. D'un côté du barreau, on a une température T1, de l'autre côté du barreau, on a une température T2. On veut savoir comment la température est définie tout le long du barreau. Ben voilà, le fait de mettre T1 au départ et T2 à l'arrivée, ce sont des conditions limites de type Dirichlet. On a aussi les conditions limites de Neumann, où là, en fait, ça va plutôt être des vitesses ou des flux qu'on va définir. Si on a 2 morceaux de métal de température différente qu'on colle l'un à l'autre, il va y avoir un flux de chaleur qui va se créer entre les deux morceaux de métal. Et ce sera donc une interface, une condition dite de Neumann. Et on a des conditions dites de Robin, où en fait c'est un peu un mélange des deux. Pour de vrai ? Ouais, conditions de Robin, ouais. Et aucun rapport avec notre Robin, non ? Bah, je pense qu'ils n'ont pas voulu le dire, mais ça veut dire, ouais. Donc voilà, ça c'était pour expliquer un peu de quelle manière est-ce qu'on définit un domaine avec des équations et au bord des conditions, aux limites. Comme je disais, là, on va surtout parler d'équations qu'on appelle des équations différentielles. Elles expriment en fait une relation entre un déplacement, une vitesse et une accélération, par exemple, ou alors entre une température et son gradient. Donc, ce qu'on appelle le gradient, c'est la variation sur une distance par opposition à une vitesse ou c'est une variation en temps. Ces différents concepts, c'est ce qu'on va appeler des dérivés. La dérivée dans le temps du mouvement, c'est la vitesse. C'est quelque chose qu'on apprend quand on est au lycée, mais c'est important de le réexpliquer. Et puis la dérivée de la vitesse, ben, c'est l'accélération. Bah, tu es en train de me dire que quand je fais du 50 km/h, en fait, c'est une dérivée. Oui. Non, oui. Et enfin, que derrière, il y a une équation différentielle. En fait, la vitesse, c'est... Enfin, ça dépend. Là, c'est une vitesse qui est... C'est une moyenne, une vitesse instantanée. La dérivée, c'est plutôt l'équivalent de la vitesse instantanée. C'est ça. En gros, si je peux me permettre, juste, j'interviens. C'est un gros problème d'essayer de savoir ce que ça veut dire une vitesse instantanée, a priori. J'en avais un peu parlé dans mon dossier sur l'infiniment petit. C'était un truc dont j'avais parlé, la dérivée, parce que ça vient pour ça, en fait. Et en fait, la dérivée, quand on parle de vitesse, c'est ce qu'on pourrait appeler la vitesse instantanée. C'est-à-dire qu'en gros, tu prends la vitesse moyenne. Ça, c'est facile, la vitesse moyenne. en un certain temps, t'as fait une certaine distance. Et pour dire la vitesse instantanée, eh ben, on prend un temps de plus en plus petit. Et à la limite, on dit qu'on a la vitesse instantanée, quoi. Et donc, c'est ça, c'est la dérivée. Et donc, voilà. Et puis, en fait, on a un peu la même notion, entre guillemets, pour une dérivée en espace. Donc, je disais tout à l'heure, un gradient de température, qu'on va appeler parfois un flux de chaleur. Ça va être la dérivée de la température en espace. Donc, entre deux abscisses, la température change. Donc, on peut dire que son gradient sur cette distance, il est de temps. Et donc, si on devait ramener ça sur des intervalles de plus en plus petits, on aurait le gradient, entre guillemets, instantané. La dérivée en espace. Et donc, en fait, les différences finies, eh bien, c'est aussi simple que ce qu'on vient de se raconter. C'est que les différences finies sont aux dérivées, ce que les vitesses moyennes sont aux vitesses instantanées. Je ne sais pas si ça, c'est très clair. Attends, mais tu peux répéter la question. En fait, les différences finies sont aux dérivées, ce que les vitesses moyennes sont aux vitesses instantanées. C'est-à-dire que c'est une approximation, c'est une sorte de moyenne, entre guillemets, qu'on va avoir... Pour arriver à se rapprocher de ces dérivées. D'accord. C'est pour ça qu'en fait, quand on fait les différences finies, à la place d'avoir la dérivée dans l'équation, on va avoir les différences finies qui sont un peu comme si, à la place d'avoir la vitesse instantanée, on avait une vitesse moyenne. Ok. Et donc, comme quand on calcule une vitesse moyenne, on dit, voilà, la vitesse entre A et B, c'est la distance qu'on a parcourue entre A et B divisée par le temps qu'on a mis pour le parcourir. Et bien finalement, les différences finies, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on va dire la différence finie qu'on va prendre pour la dérivée entre deux points du maillage du domaine qu'on aura discrétisé, et bien en fait, ça va être une sorte de relation entre la position à ces deux, en deux points. Et c'est comme ça qu'on va exprimer la vitesse. Et qu'on va pouvoir remplacer dans cette équation différentielle la vitesse par une expression du mouvement. Et l'accélération, on fera ce travail deux fois pour avoir une expression de l'accélération en fonction des positions. Et finalement, si je comprends bien, pardon, quand tu parles des différences finies, en gros, en fait, c'est l'équivalent de la dérivée, mais quand on est dans un monde discret, quand on est avec des petits points, quoi. Oui, voilà, oui. C'est ça, c'est juste ça. Si on reprend la vitesse, c'est en gros, en fait, une vitesse moyenne, puisque de toute façon, on ne peut avoir que ça, puisque le déplacement se fait pixel après pixel, quoi. Oui. C'est ça, en gros, l'idée. Et je précise juste un truc, parce que je sens que Alan ramait un peu tout à l'heure quand il posait la question, donc pour ceux qui ont oublié, l'accélération, c'est la vitesse à laquelle change la vitesse. La vitesse, c'est comment change la vitesse. D'accord. Ouais. Alan, donc c'est la dérivée de la dérivée. Ouais. C'est pour ça que quand tu accélères, en fait, ta vitesse augmente. Quand tu décélères, ta vitesse diminue. Et quand ta vitesse reste constante, c'est que ton accélération est nulle. Exactement. Heureusement que vous êtes là, les gars. Ça ira. ouais, c'est merveilleux. Donc c'est en fait, une équation différentielle, c'est un truc qui relie, par exemple, mais là on prend que cet exemple-là parce que c'est le plus parlant, mais ça peut être dans d'autres situations comme la température, ce que disait David. Mais en fait, c'est un truc, par exemple, où on va avoir un lien entre l'accélération et la vitesse. Mmh. Et on essaye de savoir quel est le mouvement, des trucs comme ça, quoi. Et donc, maintenant que vous connaissez les dérivées successives, vous pouvez comprendre ce que dit le gouvernement français quand il parle de la baisse marginale du chômage. C'est en fait la diminution de la dérivée de l'accélération, de la variation de l'accélération. Ça veut dire que ça accélère de moins en moins vite. Autant dire qu'on comprend rien. Voilà pourquoi il ne faut pas élire des polytechniciens. Il faut les garder pour les podcasts. Donc voilà, en fait, les différences finies, comme elles permettent d'avoir des approximations, des vitesses et des accélérations, en fonction des variables en un certain nombre de points, finalement, on va se retrouver avec une relation où on aura, par exemple, pour une relation entre la vitesse, entre le déplacement, la vitesse et l'accélération, une relation avec, finalement, la valeur du déplacement en tout un tas de points. On va se retrouver avec un gros système d'équations, en fait, un peu comme ce qu'on faisait quand on était au collège, quand on faisait les systèmes d'équations à deux inconnus, du genre 3x plus 2y égale 4 et 2x plus 5y égale 12. On va se retrouver avec un système comme ça. Et en fait, l'idée, ça va être de le résoudre, un peu comme on faisait au lycée, en, par exemple, remplaçant dans la première équation, en exprimant x en fonction de y, en remplaçant la valeur de x dans la deuxième équation, on trouve y et on remplace dans la première et on trouve x. Et donc finalement, en fait, ça revient. Les différences finies permettent de retomber sur cette expression, cet ensemble de relations. Et une fois qu'on aura ce système-là, on le résout un peu comme on le faisait à l'école, quoi. L'intérêt des ordinateurs au milieu de tout ça, c'est qu'ils permettent de le faire très vite. Et donc, pour information, en fait, à partir du XVIIIe siècle, les mathématiciens sont mis à utiliser des différences Fermi pour mettre en place ce qu'on appelle des abacs. Alors, les abacs, c'est des tableaux ou alors des schémas qui donnent les valeurs des logarithmes ou de fonctions trigonométriques de manière un peu rapide. Donc, on a la valeur, on sait la valeur du logarithme, etc. Et ces abacs, ils étaient beaucoup utilisés dans vraiment un nombre assez important de domaines, le cadastre, la navigation, l'artillerie, les statistiques, le calcul d'intérêt ou l'astronomie. Et donc, tout ça parce que en fait, ces fonctions, on pouvait les approcher avec des combinaisons de leurs dérivés, etc., etc. Et donc, on pouvait se servir des différences finies pour arriver à approcher ces valeurs de logarithmes ou de fonctions trigonométriques. Et comme je l'expliquais, ça nécessite quand même un certain nombre d'opérations. Les mathématiciens en fait, et inventeurs se sont mis à tenter de mettre en place des machines qui permettent le calcul automatique de ces différences finies. L'un des premiers à avoir travaillé là-dessus fut Charles Babbage. Il n'est pas arrivé à mettre au point une machine, mais il avait posé les bases. Et c'est ensuite le Suédois Georg Schütz qui arriva en 1840. Ce qui est bon de savoir, c'est que ces machines-là ont été utilisées dans les années 30. Donc c'est vraiment, ces différences finies sont vraiment quelque chose qui ont beaucoup été utilisées. Et c'est assez complexe à faire, donc finalement, il y a eu besoin assez tôt des machines. Et ces machines-là font partie des premiers calculateurs, entre guillemets. Alors, c'est des calculateurs un peu mécaniques, en l'occurrence. Mais voilà. L'un des problèmes des différences finies vient du fait que ce qu'on appelle le maillage, donc c'est-à-dire la grille de points qui correspond à la discrétisation du domaine, est faite à base de carrés ou de rectangles, tout du moins de parallélogrammes, et que ça ne permet pas forcément d'approcher de manière assez efficace des formes qui peuvent être complexes, des domaines qui peuvent être complexes, comme des cercles par exemple. On ne va pas forcément retrouver assez de points qui seront sur la frontière et qui permettront donc d'exprimer les conditions limites correctement. À partir des années 50-60, d'autres méthodes ont été développées. Dans un premier temps, pour donner un cadre mathématique plus rigoureux, parce que finalement, là, il s'agit d'approximations un peu avec les mains, entre guillemets, qui permettent d'assurer, par des démonstrations mathématiques, l'obtention de solutions uniques et qui aient du sens. Ça permettait aussi de développer des algorithmes qui soient plus stables. La plupart de ces méthodes venaient notamment de la mécanique du solide et de la mécanique des fluides. Donc, par mécanique du solide, ce qu'on entend, c'est par exemple calculer la déformation d'un pont, ou mécanique des fluides, bah finalement, comment est-ce qu'un écoulement d'air se déplace autour d'avions. Là où les différences finies ne vont s'intéresser qu'au point du maillage, en fait, ces nouvelles méthodes vont plutôt aller chercher les solutions le long des lignes qui relient ces points, et aussi d'avoir des maillages un peu plus exotiques avec des triangles, par exemple, ou alors même avec des volumes autour des points, pour avoir une sorte de moyenne. Okay, on peut avoir je ne sais pas nommer, mais c'est les méthodes dites des éléments finis ou des volumes finis. Elles nécessitent quand même un bagage mathématique plus important, mais parce qu'elles ont ce nécessite de bagage mathématique, elles sont aussi elles ont de meilleures qualités pour résoudre ces équations. Ok. Si je peux me permettre, là, c'est pas parce que c'est plus difficile que c'est plus efficace, hein. Pas toujours. Ouais, mais là un petit peu. Là oui, mais. Non, mais en tout cas, en fait, le fait qu'il y ait un cadre mathématique plus défini permet de s'assurer un certain nombre de choses qu'on ne pouvait pas forcément avoir avec les différences finies. Typiquement, les unicités de solutions pour les problèmes, etc. Quoi. Donc, comme je l'ai dit, en fait, une fois qu'on a utilisé ces méthodes de discrétisation, qu'elles nous ont permis d'obtenir un système d'équations, qu'on appelle aussi système linéaire, il faut mettre en place des algorithmes de résolution de ces systèmes. Donc, ce que je vous expliquais tout à l'heure pour la résolution d'un système avec deux équations et deux inconnues, comme ce qu'on fait quand on est au collège, finalement, là, on va se retrouver quand on a des très gros maillages avec des systèmes très grands, avec beaucoup d'équations et beaucoup d'inconnues. Et il existe tout un tas de méthodes informatiques, logiciels, algorithmes qui ont été développés pour les résoudre de manière systématique, avec des ordinateurs. Il y a deux grandes catégories, ce qu'on appelle les méthodes dites directes et les méthodes itératives. Ce qu'on appelle par des méthodes directes, c'est qu'elles permettent en fait de faire ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est donc d'exprimer des inconnus en fonction d'autres, etc., etc., et de le faire de manière exacte. La plus classique, c'est celle qu'on appelle le pivot de Gauss, ou méthode d'élimination de Gauss-Jordan. On a donc, comme je l'ai expliqué, il s'agit vraiment de faire du remplacement et de pouvoir exprimer une inconnue en fonction de toutes les autres et de la remplacer, etc., au fur et à mesure. Le problème de ces méthodes, c'est qu'elles sont longues. En fait, on n'a pas le choix, vu le type de méthode, on est obligé de faire autant d'étapes que d'inconnus dans le système. Donc si on a un domaine qu'on a discrétisé et où on a 100 000 points auxquels on veut savoir la valeur de la solution, on va devoir faire 100 000 étapes. Ça peut être vite compliqué. Et en plus, un des problèmes, c'est que comme on fait des divisions des endroits, et que les ordinateurs font des calculs approchés, un tiers, bah, finalement, ça va être 0,33 avec un certain nombre de 3, mais pas un tiers. Et donc, on va avoir de la perte, et on ne va pas forcément toujours avoir quelque chose qui va bien se passer, même si, a priori, elles permettent d'obtenir la solution exacte, de manière théorique. Il y a donc, comme je disais, les méthodes directes et aussi les méthodes itératives. Leur méthode de fonctionnement est de partir d'une solution initiale, alors qu'on va essayer d'avoir le plus de la meilleure qualité, la meilleure qualité étant la plus proche de la solution finale. Et en fait, à chaque itération, c'est pour ça qu'on dit méthode itérative, c'est qu'on va, on va boucler, on va essayer de se rapprocher de la vraie solution. Une grande partie de ces méthodes sont appelées des méthodes dites de Krylov. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va calculer ce qu'on appelle un gradient. J'en ai un peu parlé tout à l'heure. C'est surtout qu'on va essayer de savoir à chaque étape si on se rapproche ou on s'éloigne de la solution. Et en fait, littéralement, l'algorithme, à chaque étape, va nous dire si on chauffe ou si on refroidit. Et en fait, comme à chaque étape, on se rapproche de la solution, l'idée, c'est que, comme on n'a pas forcément besoin d'une précision fantastique, on va finalement s'arrêter à partir du moment où on aura atteint la précision qu'on recherche. C'est en ce sens qu'on n'ira pas forcément jusqu'au nombre d'itérations maximum, qui est, comme pour les méthodes directes, le nombre d'inconnus du système à chercher. C'est pour ça qu'elles sont souvent plutôt utilisées à la place des méthodes directes, car elles sont vues comme plus rapides, parce qu'on n'a pas besoin de faire autant d'itérations. Donc tu veux dire que déjà, on fait une approximation sauvage en faisant le modèle, après on fait une approximation sauvage en discrétisant, et après on dit en fait la solution exacte de ça, on s'en fout, on prend une solution approchée, quoi. Oui. C'est ça. C'est ça. Ouais, ouais, ouais. En fait, le principe même de... C'était juste pour être sûr de bien suivre, qu'on passe son temps à dire on s'en fout. Le principe de la modélisation, c'est d'être pragmatique. C'est qu'on veut obtenir un résultat avec une certaine précision et le plus vite possible. Donc, on s'en fout d'avoir le résultat parfait. Non, mais bien sûr, mais je suis bien d'accord, je suis au courant. Mais disons que je pense que ça vaut le coup d'insister sur le fait qu'on admet encore une fois de plus que... On s'éloigne encore plus d'un truc... voilà, on s'en fout, quoi. Tout à fait. Pour avoir côtoyé des mécaniciens qui font de la simulation, c'est d'ailleurs assez hallucinant de les voir résoudre certaines équations, ou tout du moins de postuler des solutions, parce que assez souvent, ça se fait à travers de l'analyse qu'on appelle dimensionnelle, donc valider que les unités des variables qu'on manipule sont cohérentes, et des fois, c'est « ah, mais ça, c'est une exponentielle », donc on va voir ce que ça donne si on a un truc qui ressemble à une exponentielle, et puis on rajoutera les morceaux au fur et à mesure pour voir ce que ça donne, et une fois qu'on a à peu près ça en tête, eh ben, on va essayer de simuler en se disant que c'est vers un truc comme ça qu'on va tomber. Donc c'est encore beaucoup avec les mains, quand même. Mais en même temps, dès le début, c'est ça, puisque quand on parle de loi physique, c'est déjà ça. Bah, typiquement, les histoires d'approximation où on vire des termes dans les équations, ça leur fait pas peur. Hein. Ouais. C'est sale, donc. C'est pragmatique. C'est pragmatique, je pense. Ouais. Donc, comme je le disais juste avant, la problématique de ces méthodes de résolution, c'est qu'elles peuvent prendre énormément de place en mémoire. Surtout qu'on a des modèles qui sont très très gros. Par exemple, dans certains maillages que j'ai pu voir moi-même, donc on a par exemple des maillages de 16 millions de points dans lesquels on veut avoir les solutions. Et les solutions qu'on va vouloir avoir, ça va être la température, la pression, la vitesse de l'écoulement. Donc ça commence à faire pas mal de variables. Rien que là, déjà, on est à 5 variables si on est en 3 dimensions. Et finalement, on se retrouve avec des systèmes linéaires qui sont extrêmement gros à résoudre, parfois qui ne tiennent plus dans la mémoire des serveurs que l'on a à disposition pour utiliser. Donc l'idée, c'est de se dire, on a plusieurs serveurs, essayons de les utiliser tous ensemble, de faire ce qu'on appelle du calcul parallèle. Il y a une littérature assez abondante sur la question. On peut par exemple parler de ce qu'on appelle la décomposition de domaine. Assez pratiquement, la décomposition de domaine, c'est décomposer son domaine en n parties et effectuer la résolution sur chacune de ses sous-parties. Étant plus petite, elle peut être résolue sur un serveur et on exploite le fait qu'on ait beaucoup de serveurs. Une fois qu'on a résolu la solution sur un bout du domaine, on va échanger des informations sur les frontières des domaines et puis on va recommencer histoire que l'ensemble puisse arriver vers la solution globale. Si par exemple on dispose de 4 serveurs et qu'on veut modifier la modification de la structure d'un avion en vol, on va par exemple faire le calcul de la solution sur chacune des ailes sur un serveur et on va couper le fuselage en deux pour le distribuer sur les deux derniers serveurs. Il devient important de bien découper ces problèmes parce que il faut que ça se passe correctement en frontière. Avec peu de recouvrement, en fait, les informations vont assez mal se propager entre les domaines. Mais si on a beaucoup de recouvrement, en fait, on va recalculer beaucoup de fois la même chose. Donc, il y a un juste milieu à trouver entre les deux. Je sais pas si c'est clair pour tout le monde. Je sais pas. Hein, je suis peut-être trop prudent, mais je me dis que ça serait dommage juste pour un petit détail comme ça. Mais oui, il y a les frontières, c'est quand on recolle les ailes et peut-être on fait calculer différemment les ailes et le fuselage, etc. Et après, le problème, c'est que comme ça a été calculé indépendamment, il faut se soucier de ce qui se passe à la jointure, quoi. Voilà. C'est ça le truc. Et que donc, si on fait... donc, on peut dire qu'on prend les ailes et un bout du fuselage et que quand on fait le fuselage, on prend un bout de l'aile et que comme ça, on espère que ça va... C'est ça ? En fait, ce qu'il y a, c'est que le domaine sur lequel on connaît les conditions limites, c'est le domaine global. Oui. Et on n'a pas forcément l'information aux frontières. Donc, assez souvent, en fait, en frontière, bah, on met n'importe quoi. Mmh. On découpe. Et pour s'assurer que l'information globale, donc notamment les conditions limites, etc., tous ces trucs-là qu'on a sur son avion, ou sur son bâtiment, ou sur son barreau de chaise, finalement, que toutes ces informations communiquent bien et sont bien prises en compte sur chaque domaine, en fait, il faut que on communique entre les domaines, donc on échange des informations à chaque itération pour s'assurer que bah, ce qu'on a calculé sur un bout impacte bien le bout d'à côté, que les conditions limites soient bien prises en compte, entre guillemets, de partout. Et donc, il y a l'idée, ça peut être de dire on découpe en beaucoup de sous-domaines, mais ça veut dire que si on a beaucoup de sous-domaines, on a beaucoup de frontières, on a beaucoup de morceaux, on a beaucoup de frontières entre plusieurs morceaux, et comme on est obligé de supposer des choses à ces endroits-là, bah, potentiellement, ça va pas finir vers une vraie solution. Donc il y a besoin de pas trop découper pour s'assurer que on n'a pas trop de problèmes. Et ce qui se passe, c'est que comme c'est sur des serveurs qui sont séparés, il y a une problématique de communication d'informations à ces moments-là entre les frontières. Et en fait, quand on a beaucoup de frontières, on communique beaucoup et parfois on passe plus de temps à communiquer des informations que faire du calcul. Et ça peut être problématique parce que l'important c'est de faire le calcul, c'est pas de communiquer en tout cas dans ce cadre-là. Donc c'est bien un truc de nerd, hein. Des gens qui ne veulent pas trop communiquer. Et l'idée derrière ça, la façon un peu intelligente, c'est de faire ce qu'on appelle du recouvrement. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire du calcul pendant qu'on envoie des données pour être capable de ne pas perdre trop de temps à envoyer des données. Donc être efficace. C'est ce qu'on appelle le recouvrement. D'accord, donc le recouvrement, ce n'est pas une histoire de... D'accord. Le recouvrement, ça veut juste dire que l'ordinateur doit être... Enfin, chaque serveur doit être suffisamment bien programmé pour que pendant les échanges, comme il y a de la place de libre pour faire du calcul, il fait du calcul et tout ça, quoi. Oui. Pour que ça soit pas tout le calcul, puis tout l'échange, puis tout le calcul, puis tout l'échange. Voilà. Oui, d'accord, parce que c'est pas les mêmes zones qui sont occupées. C'est-à-dire que comme on a discrétisé, les frontières, c'est juste un bout du domaine. Et on peut commencer à faire le calcul sur le reste avant d'arriver à cet endroit-là. Donc finalement, pendant qu'on est en train d'échanger les données à cet endroit-là, on peut déjà commencer à calculer sur le reste, grosso modo. Donc c'est une vision un peu plus efficace entre guillemets de ces algorithmes. Et donc ça c'est quelque chose qui est extrêmement répandu. Hein. C'est la plupart des grands supercalculateurs disponibles dans les grands laboratoires ou les grands centres de calcul ont souvent des algorithmes qui sont découpés comme ça sur différents serveurs. Et il y a ce type de technique qui est utilisée. Et c'est pour ça aussi, en fait, que c'est des techniques tellement classiques, en fait, il existe un certain nombre de librairies logicielles, alors, bibliothèques plutôt que librairies, bibliothèques logicielles qui ont été développées en open source pour, on va dire, partager un peu les connaissances et les informations autour de ces technologies. Et elles permettent de résoudre, en fait, des parties des problèmes informatiques qu'on a dans ces cas-là. À savoir que la plupart de ces bibliothèques, donc je peux en citer un certain nombre, c'est pas forcément très intéressant, ont été écrites dans un langage qui s'appelle le Fortran. Donc c'est l'un des tout premiers langages informatiques de haut niveau qui a été créé. Savoir que Fortran en fait veut dire Formula Translation, donc c'est une contraction de ces deux mots. Il avait vraiment été développé pour avoir entre guillemets une capacité à exprimer des problèmes mathématiques à travers un langage informatique de haut niveau. C'est-à-dire qu'on va manipuler des vecteurs, on va être capable de faire des multiplications, par exemple, entre une valeur et un vecteur, donc entre une valeur et tous les éléments d'un vecteur, d'un tableau, hein, grosso modo, tout d'un coup. Donc voilà. Et ce langage a été développé dans les années 50, et c'est toujours le langage roi dans le monde de la simulation informatique. Dans ce domaine-là, il n'y a rien qui va plus vite que le Fortran. Donc, Ces aspects logiciels n'ont pas évolué tout seuls. C'est des aspects qui ont évolué en lien avec les aspects matériels aussi. On est passé de discrétisation avec des différences finies à des méthodes plus complexes, mais aussi plus gourmandes en mémoire. Finalement, le fait d'avoir développé ces nouvelles méthodes, c'était aussi parce qu'on avait du matériel, des mémoires en RAM, des disques durs, qui étaient plus grands, qui permettaient de stocker plus d'informations, de raffiner les modèles. Et on est passé à des problèmes qui faisaient quelques kilo-octets à des modèles qui font plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'inconnus. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Par exemple, la valeur de la température, de la pression et de la vitesse en des millions de points. Et finalement, on se retrouve avec des modèles qui peuvent prendre plusieurs gigaoctets, voire téraoctets de mémoire. C'est pour ça qu'on a parallélisé les algorithmes, pour exploiter plusieurs serveurs, comme je parlais tout à l'heure, avec les aspects de parallélisation, de décomposition de domaines. Et c'est aussi pour ça que maintenant, depuis quelques années, on se met à utiliser des cartes graphiques de manière massive, parce que finalement, les cartes graphiques, ce qu'elles font, ce sont des multiplications sur des images, et elles sont capables de faire du calcul parallèle de manière très massive, de manière très importante. Et donc, le domaine du... on va dire de la simulation numérique, etc., à vraiment essayer de tirer parti de ces outils. Petite anecdote, en 2006, j'ai travaillé dans une société qui était au Canada. Ils développaient des logiciels de simulation. Et pour dire à quel point c'est quelque chose de compliqué, ils essayaient de simuler le décollage d'un hélicoptère à turboréacteur. Et le calcul était tellement complexe et tellement difficile à résoudre qu'il leur fallait 24 heures pour simuler quelques dixièmes de seconde sur plus de 50 serveurs. Pendant ces 24 heures, le modèle avançait tout doucement, et puis à un moment, il se mettait à diverger complètement et à faire n'importe quoi. Donc comme il était possible de conserver des étapes intermédiaires avant que le modèle explose, on repartait à partir de la dernière, où le modèle était à peu près correct, et puis on recommençait. Donc c'est dire la complexité des modèles considérés, des contraintes imposées à l'informatique. Et un des problèmes, j'ai un petit peu abordé, mais qui est apparu, c'est celui des données. Lors du précédent podcast sur la simulation de l'univers, j'avais parlé des données produites, des données utiles. Donc on était sur 1,5 pétaoctets, donc c'est 1,5 million de gigaoctets. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ça, ces données, donc, qui avaient été générées par l'expérience Deus, qui avait pour rôle de simuler l'univers complet à partir de conditions initiales pour tester différents modèles cosmologiques, il faut savoir qu'en fait, ces données produites, utiles, c'est un centième des données générées. Donc ils ont généré 150 pétaoctets de données. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte que ça fait 150 pétaoctets. C'est 150 000 disques durs de 1 teraoctet, donc ce qu'on retrouve aujourd'hui dans les ordinateurs du marché. Donc 150 000 disques durs. Et 1 teraoctet, c'est tous les ordinateurs, c'est ceux qui ont le plus de mémoire, non ? Un teraoctet, c'est un gros disque dur. Aujourd'hui, dans les grandes surfaces, ça commence à être la norme à peu près. D'accord. Moi, je suis toujours à la bourre là-dessus, c'est normal. C'est pas... c'est combien de... T'as un disque dur déjà, Robin, c'est bien. Hein ? T'as un disque dur déjà, c'est très bien. Ouais, t'as vu... ouais. Ce qu'il faut voir, c'est un DVD, c'est 4,7 gigaoctets. Ouais. Donc, un teraoctet, c'est 200 DVD. Donc là, c'est... Un tera, c'est 1000 gigas, c'est ça ? Ouais, c'est 1024 gigas. D'accord, ok. Donc, on va arrondir à 1000. Oui, on va arrondir à 1000. Ça, c'est comme les molles, faut arrêter les trucs pas ronds comme ça, c'est pénible. Ça fait beaucoup. Beaucoup. Donc j'ai parlé un tout petit peu tout à l'heure des cartes graphiques. Leur usage, en fait, c'est quelque chose qui s'est développé ces dernières années parce que, comme elles font du traitement massif parallèle, en fait, elles deviennent de vrais atouts pour la simulation. Alors, il y a quand même quelques inconvénients parce que À la base, les cartes graphiques sont là pour manier des images, de transformer des images quand le personnage change. C'est pas forcément fait pour multiplier des valeurs entre elles ou pour faire du calcul sur ce qu'on appelle des réels en informatique, donc des chiffres à virgule en fait, hein, pour simplifier un peu. Et donc il a fallu développer des couches logicielles pour être capable d'utiliser ces outils qui manipulaient des images pour qu'elles soient capables de manipuler des données classiques, donc des tableaux, de faire des multiplications, des additions, des choses comme ça. Donc il y a une norme, entre guillemets, qui s'appelle OpenCL, qui a été définie pour arriver à fournir aux développeurs un langage qui se rapproche du C ou du C++, enfin des langages très répandus chez les gens qui font de la simulation. Donc une norme qui permet d'être indépendante des cartes graphiques tout en fournissant une vue classique pour des développeurs. Voilà. Ils doivent manier des valeurs, ils doivent manier des tableaux, donc avec ça, ils peuvent le faire. Avant ça, NVIDIA avait développé sa technologie propre qui s'appelait CUDA. Mais finalement, ces langages avaient été mis en place vraiment pour permettre l'usage de ces cartes graphiques. Maintenant, c'est assez simple, il y a tout un écosystème logiciel qui s'est développé. Alors, typiquement, le genre d'opération qu'on peut faire, c'est que on va boucler, voilà, pour on va de 1 à 100, on fait telle opération. Bah, typiquement, grâce à ces langages, lorsqu'on va arriver à cette étape-là du logiciel, la carte graphique va être capable de prendre chaque valeur. Donc, si c'est de 1 à 100, le 1 pour 1, pour la valeur égale à 1, pour la valeur égale à 2, etc., etc., et de répartir chacun de ces petits calculs qui vont être faits pour chacune de ces valeurs, sur chacun des petits cœurs de la carte graphique, parce que les cartes graphiques ont énormément de cœurs. Donc elles permettent d'automatiser un peu ce genre de choses. L'un des problèmes, en fait, des cartes graphiques, c'est qu'elles n'ont pas forcément une quantité de mémoire très importante. Et donc, lorsqu'on va avoir rempli cette mémoire, eh bien, on va devoir aller dans la mémoire centrale, donc sortir de la carte graphique, et tout ça fait perdre du temps. Donc, c'est pour ça qu'un des grands challenges, c'est vraiment d'arriver à développer des logiciels et des couches logicielles sous-jacentes qui soient capables d'être intelligentes et de découper ou de se débrouiller pour qu'on ne perde pas de temps. Et puis, il y a un autre problème avec les cartes graphiques, c'est les aspects de précision numérique, parce qu'une carte graphique, ça manipule des pixels, donc des entiers. Et finalement, ce qu'on a besoin quand on fait de la simulation, c'est des nombres réels, donc des nombres à virgule. Et il faut arriver à ce... Donc ces couches logicielles, en fait, ont développé des choses pour arriver à permettre l'usage de nombres réels qui se transforment en opérations sur des entiers au niveau de la carte elle-même. Mais quand on regarde finalement ces cartes graphiques, en fait, c'est ce qu'on appelait dans les années 70, l'équivalent de ce qu'on appelait les coprocesseurs, en fait, c'est-à-dire dans l'ordinateur, un processeur avec un usage spécifique. Aujourd'hui, il y en a d'autres. Il y a d'autres technologies de ce type qui se développent. Chez Intel, ils ont ce qu'ils appellent des Xeon Phi, qui est un autre processeur qui va être dédié au calcul. Un autre processeur équivalent au processeur central, mais dédié au calcul. Et donc, comme je disais, en fait, ces coprocesseurs, c'est pas quelque chose de nouveau. Les cartes graphiques, en fait, c'est que une spécialisation de cette notion de coprocesseur pour le calcul des images et des rendus. Mais dans les mainframes que vendait IBM il y a très longtemps, ces gros ordinateurs qui servaient par exemple pour les systèmes comptables, il y avait des coprocesseurs pour gérer les écritures et lecture des données. Donc avoir un processeur qui s'occupe explicitement d'écrire un fichier sur le disque dur ou de le lire, pour que le processeur central se concentre sur les étapes les plus importantes de calcul, sur les factures, calcul comptable, etc. Donc finalement, c'est assez cyclique l'informatique. On a eu des coprocesseurs qui ont disparu et qui sont revenus avec les cartes graphiques et qui vont un jour disparaître sûrement parce qu'on va réintégrer tout ça, etc. etc. C'est un peu comme la mode. Donc, excuse-moi, hein, parce que là, moi, il y a eu plein de mots, parce que je ne suis pas très, très porté sur les trucs informatiques, je suis un peu une quiche sur le fonctionnement théorique, je vois globalement, mais donc t'as dit les mainframes là, un truc comme ça, je sais pas du tout ce que ça veut dire. En fait, c'est il y a dans les années 60, ça existe toujours les mainframes. En fait, c'est dans les entreprises assez souvent quand les comptables entrent les factures. En fait, ça va dans un mainframe, c'est-à-dire que c'est un système qui est fait pour faire la comptabilité grosso modo. D'accord. Donc lui, il sait très bien faire ça, il a été programmé pour manier ses opérations de manière très efficace, Et c'est quoi, c'est un ordinateur, c'est un programme, c'est un ordinateur, ouais, c'est un gros ordinateur spécial qui est fait pour ça, quoi. Oui, très spécifique, ouais, tout à fait. D'accord. Et donc dans lequel effectivement il y a des trucs de calcul qui sont vraiment uniquement faits pour faire les calculs spécifiques. Voilà. Quoi. Il y a des coprocesseurs qui sont là pour, par exemple, comme je disais, pour tout ce qui est lire et écrire des fichiers. D'accord. Donc pour optimiser cet aspect-là. Assez souvent aussi, c'est des choses qu'on retrouve dans les serveurs spécifiques pour gérer les bases de données. D'accord. Parce donc que on, les bases on disait, en gros, on conçoit un ordinateur en sachant qu'il va avoir spécifiquement à faire telle ou telle tâche, quoi, pour que ça se fasse plus vite. Oui. D'accord. C'est de la spécialisation pour les biologistes. Un ordinateur avec plein de mains quand il faut faire un truc et avec plein de pieds quand il faut faire autre chose. Voilà. Et des fois, en fait, parce qu'on veut avoir un seul ordinateur qui sait tout faire, ben en fait, il sait tout faire parce qu'il a plein de petits bouts qui savent faire des choses spécifiques. D'accord. OK. Et donc, les bibliothèques logicielles dont je parlais plus haut, en fait, ben, elles ont cherché finalement à prendre en compte ces différents coprocesseurs un peu qui ont des capacités un peu particulières pour permettre aux gens qui développent leur logiciel pour de la simulation d'être sûrs qu'ils sont le plus efficaces possible en fonction des serveurs ou des ordinateurs qui sont à disposition. Et un des trucs marrants, alors marrant d'un point de vue informaticien, hein, je pense pas que ça va faire rire grand monde, mais c'est qu'un des effets collatéraux à tout ça, c'est que ces bibliothèques logicielles qui ont été développées pour aider dans les opérations réalisées quand on fait des simulations, en fait, eh bien, ces bibliothèques ont servi à évaluer la performance des serveurs. C'est-à-dire que voilà, pour faire une multiplication, pour simplifier, pour faire une multiplication avec cette bibliothèque, sur tel serveur, ça va prendre 1 seconde, sur tel autre, 1/2 seconde, sur le troisième, 3 secondes. Et l'idée, c'est que grâce à ces opérations-là, qui sont bien définies, classique, etc., on estime les performances crêtes des systèmes informatiques à disposition. Et donc, tous les ans, 2 fois par an, on a un classement qui établit des supercalculateurs les plus puissants du monde. Et en fait, c'est ça la façon de les comparer. C'est de dire combien de temps ils mettent pour faire des calculs définis grâce à ces bibliothèques. D'accord. Et parce que, comme je l'expliquais, une des problématiques qui est apparue, c'est les problématiques de grandes données, et qu'elles ne sont pas prises en compte par ces bibliothèques. Justement, il y a eu beaucoup de réflexions sur changer un peu les façons de comparer les serveurs. Et aussi, notamment, parce que une des grandes problématiques qui est apparue, c'est que tout ça, ça consomme beaucoup d'électricité. À savoir, je crois que l'informatique est passée devant l'aéronautique en termes de dégagement de gaz carbonique. Je ne sais plus quand est-ce que c'était, il y a 1 ou 2 ans, parce que là, tout ça consomme énormément d'énergie. Il y a un classement qui s'appelle le Green 500, donc l'autre s'appelait le Top 500, celui-ci le Green 500, qui vise plutôt à classer ces serveurs informatiques en fonction de leur performance énergétique, à consommation électrique équivalente, lequel est le plus performant. Donc finalement, c'est une autre façon de regarder les choses. Aujourd'hui, le serveur le plus puissant, le supercalculateur le plus puissant, il s'appelle Tian 2. C'est un supercalculateur qui est en Chine. Il possède presque 3 millions de cœurs. Alors, pour comparer, dans un ordinateur aujourd'hui, il y en a 2 ou 4. Donc là, il y en a 3 millions. Une grande partie, c'est des coprocesseurs dont je parlais tout à l'heure. Et la consommation énergétique, la performance, c'est de 1900 mégaflops, alors ce qu'on a. Alors, je vais expliquer ce que j'entends par là. Les mégaflops, en fait, c'est des millions d'opérations à virgule flottante. Donc on compare deux, on multiplie, par exemple, deux nombres réels avec des virgules. Et donc là, on peut faire 1900 millions d'opérations de ce type avec 1 watt d'énergie, 1 watt de puissance. Donc ça, c'est la performance, donc la puissance sur la consommation énergétique. Et en fait, si on compare par exemple avec un supercalculateur qui est en France, en Champagne-Ardenne, qui se classe 5e sur ce Green 500, il a une très bonne performance énergétique parce qu'il en fait, il fait 3130 mégaflops par watt. Donc voilà, nos amis de Champagne-Ardenne ne font pas que produire des champagnes, ils font aussi des serveurs performants. 3130 et contre l'autre, le premier, c'était combien ? 1900. Donc le premier est beaucoup plus puissant, mais par contre, il est moins performant, on va dire, à consommation énergétique. Énergétique, d'accord. Ouais. Et surtout que c'est du même ordre de grandeur, quoi. C'est plus, mais c'est... Enfin... Alors, celui de Champagne-Ardenne, il est beaucoup moins puissant, par contre. Hein. Quand même. Il est beaucoup, beaucoup moins puissant, mais par contre, sa puissance est mieux exploitée. Mm-hmm. C'est comme ça qu'il faut le voir. D'accord. À savoir que, en fait, dans ces supercalculateurs, aujourd'hui, donc oui, comme le dit Yves, en Champagne, en fait, c'est un Bull, c'est bien ça. En plus, donc c'est bien un supercalculateur qui a été fourni par Bull, donc le constructeur français calculateur. Et donc, un des points un peu critiques, en fait, et pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ces aspects de consommation énergétique, c'est que aujourd'hui, tous ces serveurs produisent énormément de chaleur. Et il arrive qu'on consomme maintenant quasiment autant d'énergie, voire plus, à refroidir les serveurs qu'à les faire fonctionner. Donc ça, c'est une grosse problématique. C'est pour ça que c'est beaucoup développé, ces aspects de performance. Et donc, par exemple, avec près de 17 000 cœurs de calcul et 20 pétaoctets de stockage sur disque et sur bande, le centre de calcul de l'INDP3, donc c'est un centre de calcul qui est à Villeurbanne, juste à côté de Lyon, et qui a hébergé les données du LHC concernant le boson de Higgs. Il dispose d'une alimentation de plusieurs mégawatts juste pour le centre de calcul. Donc juste pour pouvoir alimenter tous ces serveurs et toutes ces machines qui servent à faire le stockage. Donc la consommation énergétique de l'industrie informatique est un point extrêmement important à vérifier et à suivre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de travaux autour de ça. Et là-dessus, à titre purement anecdotique, il y a une start-up qui s'est créée sur cette thématique et qui propose un truc assez amusant qui est de mettre des calculateurs comme ça chez les gens pour que ça fasse office de chauffage. Oui. Ouais, j'allais dire ça, ouais, que c'est quand même, on cherche de l'énergie partout et là finalement il y en a qui s'en va, on dépense de l'énergie pour la faire partir alors qu'elle pourrait être utilisée, quoi. Ouais, c'est. Même je mets des turbines, tu fais de l'électricité, quoi, je sais pas. Et sur Grenoble, il y en a une autre qui fait à peu près la même chose, mais en fait, c'est pour des logements de type immeuble. Donc, ils appellent ça même des chaudières, en fait. Ils appellent plus ça des calculateurs ou des je ne sais quoi. Ils appellent ça, ils vendent des chaudières. Bon, leur chaudière, à eux, elles calculent des trucs, mais c'est des chaudières. Tu veux dire que le but essentiel, c'est de fabriquer de la chaleur, le reste, on s'en fout. Ben, en fait, quand ils vendent ça aux gestionnaires d'immeubles, ils disent on vous vend une chaudière et voilà. Ouais, ouais. Elle a juste besoin d'une prise réseau, ma chaudière. Ouais, tout. Voilà. Vous ne vous posez pas de questions, tout va bien. Et pour continuer sur les anecdotes sur ce type-là, il me semble que c'est Facebook aussi qui a construit ou qui va construire un centre de calcul au Groenland. Ouais, Google, on a tout un tas en Alaska aussi ou en Islande. Ouais, pour avoir moins de problèmes justement de chauffage de ces machines. C'est ce qu'ils appellent du free cooling, en fait, où il n'y a même plus de clim. C'est presque qu'ils ouvrent les fenêtres, quoi. C'est vraiment l'idée, c'est de profiter du fait qu'ils fassent des températures assez basses, qu'il suffit, en fait, de faire circuler l'air entre l'extérieur et l'intérieur pour arriver à refroidir les serveurs. Ah, tu peux continuer. Eh bien, en fait, je vais conclure. parce que j'en suis arrivé à peu près à la fin. Remarque, ça tombe bien, parce qu'il est à peu près à l'heure. Hein. Ouais. Merveilleux. Ça tombe bien. Quelle ponctualité. Donc voilà, bon, finalement, avec ces deux épisodes, j'ai essayé de dresser un petit peu ce qui me semble être, de mon point de vue, la simulation numérique. Le premier était plus sur les aspects simulation, les problèmes auxquels la simulation numérique essaye d'aider à répondre. Et puis avec des exemples, notamment la première simulation dans les années 50 par John von Neumann, son équipe. Et puis un deuxième, plus axé sur les aspects plus mathématiques, informatiques, avec... voilà, une présentation d'une méthode de discrétisation, les outils qui peuvent être mis en œuvre, logiciels et matériels, pour aider à résoudre. Et finalement, un point qui est important, c'est un peu une ouverture entre guillemets, comme on appelait ça à l'époque, c'est que la simulation, elle est indispensable aujourd'hui pour la science, pour comprendre les phénomènes qui nous entourent, et que la simulation s'insinue dans tous les domaines, que ça ne va pas aller en diminuant, que de nouveaux challenges apparaissent, qui ont des impacts dans nos vies de tous les jours. On a parlé de grandes données. Aujourd'hui, le terme à la mode, c'est big data. C'est ce qu'on entend à la télé entre les craquinettes et puis le reste. Il y a les aspects cloud aussi. Le cloud computing n'est que une autre façon d'appeler des ensembles de serveurs informatiques mis à disposition quelque part qu'on utilise sans se rendre compte. Et la simulation est aussi sortie depuis longtemps du domaine scientifique. Pour les plus gamers d'entre nous, les jeux vidéo sont un exemple parfait de l'usage de la simulation. GTA 4, notamment, lorsqu'il est sorti, a été un des exemples les plus frappants du fait que le jeu évolue seul Et on a le soleil qui se lève et qui se couche, la mer avec des vagues, etc. etc. Et tout ça, c'est des choses qui sont simulées, et notamment grâce à tous ces outils dont j'ai parlé. Voilà, voilà, bah, en espérant que vous avez appris des choses intéressantes. Ouais, bah ouais, c'était super intéressant. Et donc voilà, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer à la suite. Normalement, on a le pitch la semaine prochaine, sauf que la semaine prochaine, il n'y a pas de dossier. C'est l'émission, le retour de la vengeance de l'émission Freestyle. Donc, pas de dossier. Ce sera un peu tous les retours sur les dossiers que vous nous avez faits. On n'a pas eu des milliards de messages. Il faut dire qu'on a fait un freestyle il n'y a pas très très longtemps, donc n'hésitez pas à nous en renvoyer des nouveaux. Je vais en profiter pour rappeler aussi le quiz, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de participation non plus au quiz. Qui est donc, est-ce qu'on peut vérifier si une casserole marche sur une plaque à induction en mettant un aimant sur son dessous? Je crois qu'on avait eu une proposition de David. Donc l'idée, c'est on met un aimant dessous, si ça colle, c'est censé fonctionner sur une plaque à induction. Si ça colle pas, c'est censé pas fonctionner. Est-ce que c'est une info ou une intox? Moi, il faut que je vous envoie un truc. Hein. Je voulais vous faire un Vine, un machin comme ça. Un peu. Je croyais que tu avais envoyé une réponse, mais tu en voulais en renvoyer une autre? Alors, si j'ai répondu, c'est dans la chatroom. Mais... Ah, ça devait être dans la chatroom alors. Peut-être, mais ouais, je voulais faire un Vine. Ah ouais, pour un Vine, être un peu on swag, tu vois. Tu vas être un peu flex, un peu swag. Mais il faut pas que tu teases ce que tu vas faire. Et ça suffit là, les mots comme ça. Hein. Ça suffit. C'est ce que j'étais en train de me dire. Robin devait être largué, c'est drôle. C'est même pas tant ça, c'est qu'il y a un moment où, bon, on a le droit aussi d'utiliser des mots normaux, quoi. Mais... Comme spoiler un peu. Voilà, c'est ça. Du coup, donc voilà, n'hésitez pas à nous envoyer plein de messages. La semaine prochaine, on fait une émission qui est dédiée à ça. Donc, plus on aura de messages, plus on va pouvoir parler de plein de choses sur les dossiers précédents et tout. Et voilà pour la semaine prochaine. Et du coup, je vous propose tous de passer à la côte. Et il me semble que tu as bien fait ton job, David. Tu es venu avec une côte. Ouais. Une côte de John Van Neumann, parce que malheureusement, on ne peut pas forcément passer à côté de cet homme-là. D'accord. Donc, en anglais. Ouais, malheureusement. Tout comme il faut. Bah, parce qu'en fait, il y a des collisions limites de John Van Neumann. Van Neumann, il y a des. Il y a première simulation, c'est lui. Enfin, il a un peu fait tout le boulot, quoi. Et puis en plus, j'ai l'impression que vous êtes un peu fan de Van Neumann, parce qu'à réécouter les épisodes, il y en a eu quelques-unes. Bah, il était assez fort pour les citations. Mais je crois que c'était un mec assez insupportable, par contre. Ça fait du bien, parce que je crois que la semaine dernière, on a cité Depardieu, ou c'était il y a deux semaines. Donc, j'y vais. Donc, elle est en anglais. It would appear that we have reached the limits of what it is possible to achieve with computer technology, although one should be careful with such statements as they tend to sound pretty silly in 5 years. Ah, mais c'est que tu parles bien anglais, en plus. Tu parles tellement bien anglais que tu vas peut-être le traduire en français, même, alors, du coup. Alors, je pense que c'est un mix, en fait, entre la fameuse citation de Lord Kelvin à propos de la physique et puis la loi de Moore, parce que ça mélange un peu les deux idées. Donc, il semble apparaître que nous avons atteint les limites de ce qu'il est possible de réaliser avec les technologies informatiques. Cependant, nous devrions faire attention avec de telles affirmations, car elles tendent à... Alors, to sound pretty silly... À sonner un peu ridicule. Ouais. Elle risque de paraître ridicule, ouais. Voilà, ouais. Dans 5 ans. C'est en quelle année qu'il a dit ça? Je sais pas. Mais c'est un paquet de temps. 1930. Ouais. Je déconne. Bah non, 1930, les computers, les ordinateurs en 1930, il n'y a pas des masques. Non, à mon avis, c'est dans les années 60-70, à mon avis. Mais c'est clair, quoi. Enfin, je veux dire, typiquement, se mettre à utiliser des cartes graphiques pour faire que les calculs vont plus vite, il faut avoir l'idée d'utiliser des trucs qui servent plus dans des jeux. Ouais, enfin, non seulement l'idée, mais le courage aussi, parce que c'est un peu ce que tu as dit, mais au début de la chose, c'était une vraie, vraie, vraie merde, quoi. C'est-à-dire que les cartes graphiques, c'est uniquement des choses qui sont faites pour afficher une grille de valeurs entre 0 et 255, et c'est tout. Et éventuellement faire des calculs de projection. Et là-dessus, il y a des grands malades qui se sont dit « Génial, on casse la tienne, comme ça va très vite, on va essayer de faire ce que tu as dit, des calculs sur les nombres réels, des dérivés, des choses que ne savaient pas du tout faire ces objets-là. » C'est un peu comme ces grands malades qui se sont dit « Tiens, les PlayStation 3, ça ne coûte pas très cher, on va en mettre en parallèle, on va faire des calculs dessus. » Ouais, sauf que les PlayStation 3, c'est des bêtes à calculer des univers de jeux vidéo en 3D. Et pas grand-chose d'autre. Donc, c'est étonnant et c'est une preuve de courage aussi, quoi. Ouais. Voilà, bah super, merci pour cette citation. On passe au plug, alors on a plein de plugs là, cette semaine. Alan ? Yep, alors moi je voulais signaler le 34e apéro Sciences et Web qui aura lieu à Paris le jeudi 20 mars prochain, c'est-à-dire probablement demain suivant quand l'émission sera montée. Cette édition mettra à l'honneur Sylvie Tissot, développeuse et chercheuse en informatique qui compte à son actif plein de projets passionnants, dont certains liés aux sciences expérimentales. Et puis bah, l'idée, c'est de lui faire expliquer le quantum design, les puces à ADN, certains paradoxes, les lois de la pensée, etc. Si vous n'avez aucune idée de qui est Sylvie Tissot, vous pouvez écouter le dernier épisode de Place de la Toile. Donc c'est l'épisode tout entier lui est consacré, c'est son autobiographie numérique. Donc Place de la Toile, cette excellente émission de Xavier Delaporte sur France Culture. L'apéro aura lieu donc le jeudi 20 mars à 19h30. Dans un nouveau lieu, exceptionnellement, c'est le QG, 3 rue Monsieur le Prince, à Paris, dans le 6e. Et pour en savoir plus et annoncer votre venue, vous pouvez vous inscrire sur Facebook. On mettra le lien dans les notes de l'émission. Un plug de Robin ? Oui, alors un plug improvisé pour un truc organisé par moi, donc pas super bien organisé, mais je pense que ça va être sympa quand même. Il va y avoir samedi 22 mars, donc dans 10 jours, pas samedi qui vient, mais celui d'après. J'organise avec une amie qui a été guide pendant longtemps, médiatrice pendant longtemps au musée de la musique. Donc elle, son métier, c'est de parler de la musique, comme moi, mon métier, c'est de parler des maths. Et on va faire une conférence maths musique ensemble au Palais de la Découverte, donc le samedi 22 mars à 14h30. Voilà, il n'y a pas eu beaucoup de communication officielle. J'espère qu'il va y en avoir sur la dernière semaine, mais ça aura bien lieu, donc venez nombreux, c'est entrée libre. Voilà, on va parler de décalage, on va même les gens vont taper dans leurs mains, tout ça, en rythme, ça peut être assez marrant. Là, ça donne pas forcément envie quand tu le racontes. C'est vrai ? Je suis sûr que c'est bien. Si, ça va être rigolo, on va essayer de taper des mains en rythme pour créer des rythmes, pour faire des morceaux de Steve Reich, tout ça, ça va être assez marrant, je pense. D'accord. Mais j'aurais tellement envie de venir à ce truc-là, ça va pas être filmé ou quelque chose, mais c'est, si on habite à 500 bornes de Paris. A priori, non. Après, si vous voulez, je pourrais essayer de... Je sais pas ce que ça donnerait pour la radio, mais comme ça parle de musique, je pourrais essayer de vous faire un petit résumé des événements, de ce qu'on a raconté. Mais ouais, et puis tu places un enregistreur dans un coin, je suis sûr qu'on pourra faire quelque chose. Ouais. De David Loureiro. Donc, suite à un échange de tweets avec Vincent de Kili Science, c'est monté un peu de manière sauvage une réunion informelle de gens de tous bords. Blogueurs, amateurs de sciences, et puis podcasteurs aussi, parce qu'on aura le dictateur déchu qui sera là aussi de la partie, donc le 12 avril à Lyon. À ce jour, on a plus de 15 personnes qui sont inscrites. On a pas mal de tweetos. Il y a Monsieur Pourquoi, Soug, Sirtin, Puyo doit venir, on a Marco aussi. Donc voilà, ça se passera à Lyon, c'est le 12 avril, il y a Samuel dans la chatroom qui devrait venir aussi. L'idée, c'est de se retrouver, pour l'instant on est parti sur le planétarium en fin d'après-midi, puis apéro, il faut qu'on trouve un endroit, resto, et puis ensuite after pour les plus vaillants. Il y a un hashtag à suivre, c'est le mot dièse Lyon SAI, donc dièse Lyon suivi de SCI. Donc on a un petit doc qu'on essaye de maintenir pour se coordonner, et tous ceux qui sont intéressés par y participer sont les bienvenus. Ouais, juste, donc il y en a qui commencent déjà à dire ouais, l'année prochaine on fera un congrès, c'est un peu du délire, mais voilà. Ouais, je crois que pour le moment, tu as quelques difficultés pour l'organisation parce qu'il y a des gens qui ont fait part de leur particularité alimentaire, dont notamment ne pas manger plus de 3 sangliers dans la même soirée. Tu as un peu de mal à trouver une adresse compatible, c'est ça ? Ouais, des sangliers à Lyon, je ne sais pas s'il y a beaucoup de restaurants qui font, ouais. Mais je peux chercher. Hein. Au niveau bouffe, le dernier restaurant dans lequel nous avaient invité les Lyonnais, nous avaient proposé d'aller les Lyonnais à la soirée radio dessinée, je crois qu'on avait, absolument pas réussi à finir quoi que ce soit. On était sortis complètement. Non. Puis on avait fait des pauses pour se tenir debout, ouais. Pour que ça descende, mais ça n'avait pas suffi. Il y avait une trentaine de saladiers qui sont passés sous nos yeux, avec remplis là. Sympa quoi. Quand t'as compris le concept qu'il va y en avoir beaucoup plusieurs fois, c'est trop tard, t'en as déjà pris trop la première fois quoi. C'est ça. Puis quand tu dis saladier, on pourrait imaginer qu'il contenait de la salade, mais en fait non, il contenait tous de la saucisse. Et juste par curiosité, vous étiez allé où? Parce que ça me parle, ce genre de truc. Bah, dans un bouchon, mais je n'ai aucune idée de la salle. C'était au bord de l'eau. dans mais le vieux Lyon. Je sais même plus si c'était la Saône ou le Rhône. Ah bah, ça peut être l'un ou l'autre. Ouais. Et c'était une salle voûtée, voilà. Et il faisait très très chaud. Ouais, il faisait hyper chaud. Alan, un autre plug? C'est pas un plug, mais c'est un exemple à suivre. C'est un message de notre ami Swoog qu'on a reçu sur notre répondeur. Vous savez, celui que vous pouvez utiliser pour nous laisser des messages audio directement depuis le site web, enfin dans sa version ordinateur, ça marche pas depuis la version pour téléphone. On peut l'utiliser aussi depuis la page Facebook, d'ailleurs, si jamais. C'est un message de Swoog, on l'écoute tout de suite. Bonjour à toute l'équipe. Alors moi j'avais un petit défi à relever, c'était de donner le slogan de l'émission en portugais. Mais le problème, c'est que j'ai un accent qui est déplorable. Alors j'ai confié cette mission à mon papa. À ton papa, on t'écoute. Que se dit la science, c'est que j'avance à la grille. Voilà, merci beaucoup et bonne continuation à tous. Ciao, ciao. Sympa. Bon, on a un challenge pour David, là, faudrait que tu arrives à nous le refaire. Alors, et que se dit la science, c'est que j'avance à la grille. Excellent. Deux fois, là. C'est beau. On va pouvoir comparer et tout. Mais parfait, donc envoyez-nous vos contributions pour servir la science dans votre joie dans toutes les langues possibles et imaginables, y compris le français avec des accents et compagnie, enfin ce que vous voulez. Il y a un tout grand merci à Swoog et à son papa. Si je comprends d'où il vient, Swoog, à mon avis, il a un petit accent stéphanois des familles parfait en plus. Ben, normalement, tu le rencontres le 12 avril si tout va bien. Vous pourrez vous en parler. Et puis dernier petit plug, un plug pour remercier Pascal Metz qui, pour ses développements qui rendent notre chatroom toujours plus parfaite. Avec, entre autres, une dernière fonctionnalité exceptionnelle. Ça vous donnera absolument déplorable. Sans doute envie d'aller venir au live. C'est un scandale absolu. Un commentaire, Alan, sur les développements de Pascal? Non. Robin, conclusion? Conclusion comme d'habitude. Hein, vous avez aimé, vous n'avez pas aimé. Il faut nous le dire. Il faut absolument nous le dire. Donc, par courrier, par commentaire, par mail, par like, par pas like, par tweet, retweet, tout ça... Informez les gens autour de vous si vous aimez ça. Si vous aimez pas, essayez de pas trop nous défoncer non plus. Vous pouvez nous écrire sur podcastscience.fm, Facebook, Twitter, iTunes, SoundCloud, partout sur tout l'internet mondial. Merci à vous d'être fidèles au poste chaque semaine. On se retrouve le mercredi 19 mars pour un nouvel épisode freestyle avec un invité. Tu n'en as pas parlé tout à l'heure. Nicolas Revoy, le fondateur et rédacteur en chef du Journal de la Science. D'ici là, bonne semaine à toutes et à tous. Et David, t'es prêt que... Et que servir la science, c'est à votre allégrie. Ciao, ciao. Salut. Salut. Bonjour tout le monde. Ah mais tu dis tu parles en fait. Donc bah. Bonjour Alan. Bonjour, tu m'as invité à parler, je cause. Bah, je sais pas, je croyais que tu voulais pas parler, que tu voulais faire semblant de pas être là comme d'habitude. Ah l'air de la dictatuprie, c'est une tuerie. Dictatuprie, ah c'est mignon comme mot. En parlant de merci. Conférence au Palais de la Découverte, où tu en es de ton fil rouge de nous ramener ce cher mathématicien qui a fait des conférences au Palais Sciences. J'en ai jamais parlé. Tu rigoles. Mais c'est pas trop tard. On a des preuves. Ouais. Non, bah après je peux toujours le contacter, mais encore faut-il que. Normalement, c'était ton pote dernière nouvelle. Ouais, je déjeune avec lui demain midi. Pas de problème, je lui pose la question. Attendez, j'ai déjeuné deux fois avec lui à 15 jours d'intervalle. Ok. Et tu lui as même pas. Poser la question. Et la deuxième fois, on s'est tutoyé assez rapidement. Certes, ok, d'accord. Ben voilà. Et je lui ai parlé du podcast, mais il a rien dit, j'ai pas insisté lourdement. Voilà. Ouais, ben j'essaierai de publier l'épisode avant, parce que jusqu'à maintenant, à chaque fois que ça fait ce genre de plug, je les ai coupés au montage parce que c'était trop tard. Attends, samedi 22 mars, c'est pas samedi qui vient, c'est celui ouais, d'après. Ouais, mais on a un épisode de retard à cause d'un certain David que je ne dénoncerai pas. C'est vrai, on dira pas son nom ce soir, David, surtout qu'il est quand même pas là et c'est quand même vraiment dégueulasse de dire du mal des absents. Ouais, c'est moche. Hein, on va pas dire quand même que David est absent ce soir et qu'en plus, il a pas fini de me... de monter l'épisode. Et qu'il n'est même pas en train de monter ce soir. Non, c'est vrai quand même que de la part de David, en plus, ça me déçoit. Moi, je ne pensais pas non plus. Mais bon, on mettra tout ça en bonus de l'épisode. Là, que je tâcherai de publier avant lui. Exactement. Bref, donc, je disais donc avant d'être interrompu par moi-même. Tu me fais même pas un commentaire sur les news de Pascal Metz, qui se tue à la tâche pour toi, quoi. Non, il se tue à la tâche pour toi. T'es un dictateur infâme. Bon, j'ai rien demandé, j'ai suggéré, il l'a fait. Tu veux des bonus, là, c'est ça. Donc, Dictatup, dans toute sa splendeur, est convaincu que le mot salaud s'écrit S-A-L-O-P, ce qui est faux. Ce garçon n'a absolument aucune notion d'orthographe. J'ai essayé de lui faire remarquer par chatroom interposé, ce qu'il n'a pas aimé. Du coup, il a abusé de son autorité. Il a fait faire un bug, on va appeler ça comme ça. Donc maintenant, quand tu tapes salaud avec l'orthographe normale dans la chatroom, ça te la corrige. Enfin, c'est pas corrigé, quoi. Ça te la massacre pour donner la version onicotupienne. C'est vrai quand même que c'est parfaitement illogique d'écrire salaud comme ça, alors qu'on dit saloperie. Et salope, enfin, c'est quand même très très curieux. Non mais c'est comme les gens qui disent 90, enfin, je veux dire, faut arrêter. Ben voilà. Ah oui, c'est ça, tiens. On va modifier les 90 et les octantes aussi. Je ne tomberai pas dans le piège octante, tu peux y aller. Ça sert à rien de te répéter les choses en fait. Non, mais c'est surtout que c'est des grands malades, quoi. Ah oui, c'est des grands malades, ouais, ouais. Oh, bah, Gödel, oui, il est... Bah, tu sais comme il est mort quand même, Gödel, c'est génial. Non, je sais plus comment il est mort. Bah, Gödel, il est devenu tellement parano qu'il a arrêté de manger. Parce qu'il a peur qu'on l'empoisonne, du coup, il est mort. Et tu sais comment il est mort, Hilbert? Non, je sais pas. Il est tombé dans la rue et en fait, des suites de sa blessure à la jambe, au bout d'un an, il est mort. Mais il est tombé parce que... Genre, il était vieux, quoi. Il a juste trébuché dans la rue. Oh, mais ça arrive, ça. C'est un peu la mort de merde, quoi. Un peu la mort de merde. Et Minkowski, son pote, il est mort d'une appendicite. Ah, ça, c'est moche. Ouais. Non, alors que Gödel, quand même, moi, je trouve ça assez classe. Il allait juste au bout d'un truc logique, quoi. J'ai peur qu'on m'empoisonne, j'arrête de manger. Bon, là, bah, du coup, tu meurs, mais... C'est carré, hein. Au moins, tu sais pourquoi. Poincaré, je crois qu'il était plutôt ça allait, je crois, lui. Il y en a pas un dont il avait parlé, LG, sur son blog, qui était mort parce que sa femme balançait des bassines de flotte. Si, c'est boule, ça. Sa femme lui balançait des bassines de flotte. Ben oui, sa femme lui a balancé des bassines de flotte glacées, je sais plus pourquoi, pour le guérir de je sais pas quelle maladie. Parce qu'en fait, mort c'était le principe de... Que, comme pour la pseudo-science, là, avec on soigne le mal par le mal. Ouais, on soigne le mal par le mal. C'était l'idée, quoi. L'entomonie, donc le mal, ça vient de la flotte froide, donc on balance de l'eau, ça va le soigner. On arrive. Hein. Et il est mort. Parfait. Et il est mort, c'est con quand même. Ouais, il faudrait faire un épisode sur la mort des matheux. Bon, il y a Galois, mais bon, ça c'est connu. Quoi. Ah ouais, ouais, non, mais c'est très fort aussi. Franchement, il y en a qui meurent normalement quand même. Je sais pas, il y a Cantor. Il est mort comment, Cantor? Mandelbrot, il est mort comment? Oh, normalement, je crois. Oh, il y en a quand même beaucoup qui sont morts normalement, hein, faut pas exagérer. Cantor, il est mort dans un hôpital psychiatrique, c'est ça? Oui, Cantor, oui, ça allait très très mal, Cantor.